dormir tout seul. Pour se payer à parler comme un con. Après mes bacchanales d'alcool, des regrets deviennent obsessions. Et même en son absence me ronge. Je fais comme si je ne peux pas arrêter tous vos mensonges. Sans elle, je n'y arriverai pas. Les mots d'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada.